Banga mon connaît gros pêche à tout boca. Je te fuck off et va me chercher du coca. JOS majuscule, minuscule, je me transforme au crépuscule. Quand je rappe, je fais ma muscule. Ceux qui ont le vos terres vides vont se taire vite. Trop de pigeons ici, c'est Skyrock ou la garde au Sterlitz. Hein, ils cherchent le buzz, moi l'oseille. T'endors pas sur mes dettes, tu retrouveras pas le sommeil. Moi je traîne, je me tue, cherche les thunes jusque tard le soir. Je suis meilleur que ça crève les yeux, mais ils font semblant de pas me voir. Tu parles de quoi? T'inquiète même pas, ils finiront par me croire. Je leur ferai tellement du sale, ils me diront Joss, calme-toi, hein. À 13 ans j'étais fou, à présent je me défoule pour cultiver mon blé. Si je suis riche, je suis comblé, nerf à bloc, je suis gonflé. Fuck les putes, je veux ma go, je vais récupérer mon mago et me barrer. Il se passe quelque chose, amène la monnaie, y'a qu'à elle que je trouve. Bah ouais poteau, je suis toujours quelque part. Pas loin de la monnaie car y'a qu'à elle que je parle. Oh no, la monnaie. Mon refrain y'a qu'elle que je connais. Donc si c'est pas elle qui appelle ma neck, je laisse le téléphone sonner. Oula, oula, la. Oula, la. Oula, oula, la. Oula, la. T'as pigé, faut pas négliger, frère, on est obligé, obligé d'être riche. Même quand c'est le feu, faut jouer le jeu, pour gagner la monnaie sans tricher. J'attends mes fichiers de paye, faut qu'ils se dépêchent. Le temps c'est de l'argent, j'ai pas temps à perdre, mal dans la tête, on peut pas calmer nos vices. C'est pas en jouant au loto qu'on va gagner nos vies, hein. Et rien que ça rage dans les parages, ils veulent pas nous voir avancer, mais on arrache tous les parages, oh merde. Mais que ça rase, non c'est pas grave, je vais muscler mon compte en banque. Pour la baraque, à la baraque, je dois me faire soigner. Je confonds les centimes, les secondes, les minutes et les euros. Ils me font un chèque autour du poignet. La vie était pas tente, mais n'est pas tendre. Si t'es pas dedans, jamais partant. Pour un partant, j'ai pas d'argent, donc j'ai pas le temps. Il se passe quelque chose, amène la monnaie, y'a qu'à elle que je trouve. Bah ouais poteau, je suis toujours quelque part. Pas loin de la monnaie car y'a qu'à elle que je parle. Oh no, la monnaie. Mon refrain y'a qu'elle que je connais. Si c'est pas elle qui appelle ma neck, je laisse le téléphone sonner. Oula, oula, la. Oula, oula, la. Oula, oula, la. Oula, la. Oula, oula, la. Oula, oula, la. Oula, la. Oula, oula, la. Oula, oula, la. Argent, argent, monnaie, monnaie, monnaie, monnaie, argent. Argent, argent, monnaie, monnaie, monnaie, monnaie, argent, argent, argent, argent, monnaie, le flouz, monnaie, la moula, argent, argent, argent, monnaie, monnaie, argent. Just fucking money. Hey, cheesy cheesy baby, combien le bonheur coûte? Hey, hey, hey.